Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'histoire de William Randolph Hearst, l'homme qui a inspiré le film Citizen Kane. Si au fil du récit, le nom de Donald Trump vous traverse l'esprit, ce ne sera pas forcément un hasard. Fils de millionnaire et millionnaire lui-même, égocentrique et avide de pouvoir, devenu mania flamboyant de la presse avant de tenter une aventure en politique, tel est le portrait souvent dessiné de William Hearst, inventeur par ailleurs de la presse jaune et propagateur du fake news, individu à la personnalité tantôt insaisissable, tantôt fascinante, tantôt révoltante, tout aura été dit sur lui. Et au petit jeu des résonances avec Donald Trump, on note que Hearst était avant tout un businessman. Un homme prêt à se livrer à tous les coups, même les plus tordus, pour asseoir son pouvoir et sa légitimité, usant et abusant d'une capacité hors du commun à tirer parti des crises, quitte à les envenimer. Un peu à la manière d'Edgar Hoover, le patron historique de FBI, mais pour d'autres raisons, Hearst, comme lui, aura exercé une influence notoire sur son pays, les États-Unis. Notre invitée aujourd'hui, la chercheuse Emily Lost, docteure en civilisation américaine. Elle a consacré sa thèse à l'ascension et à la carrière politique de William Hearst. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, un récit documentaire d'Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Jeudi 1er mai 1941, à Hollywood Boulevard, Los Angeles, il est un peu plus de 20h. Ce soir-là, ce que la capitale américaine du cinéma compte de réalisateurs, de producteurs, de journalistes et de demi-mondains, a rendez-vous au Capitan Théâtre, l'une des salles de projection les plus emblématiques de la ville. Sur la grande avenue qui longe le cinéma, c'est la pagaille. Embouteillage sur la chaussée, bousculade sur le trottoir, des dizaines de curieux et de photographes tentent d'apercevoir un visage connu dans ce défilé de gala. Carton d'invitation à la main, les 900 invités s'installent donc dans les sièges de velours. Dehors, sur la façade du cinéma, clignote en rouge le titre du film projeté en avant-première, Citizen Kane. Mesdames et messieurs, je ne sais pas ce que vous pensez de Monsieur Kane, mais je peux l'imaginer. Eh bien, Kane est à la fois un héros, un crâne écorché, et bien sûr un homme bon, un amoureux passionné, un vrai citoyen américain, et une véritable idole. Cela dépend de qui parle de lui. Quelle est donc la vraie part de vérité au sujet de Charles Foster Kane? Je vous invite à venir au cinéma voir le film pour vous faire votre propre idée. Premier film de son réalisateur Orson Welles, qui tient également le premier rôle, Citizen Kane est très attendu par les journalistes. Et pour cause, ce long métrage traite du pouvoir de la presse depuis le début du siècle. Durant près de 2 heures, Citizen Kane nous raconte l'histoire d'un journaliste qui enquête sur la vie de Charles Foster Kane, un milliardaire, magnat de la presse, mort de façon prématurée. Plus l'intrigue avance, plus le spectateur découvre l'ambition démesurée qui était celle de ce Charles Foster Kane, grand patron à l'américaine, individu mégalomane et personnage sans scrupules. Pris à témoin, les spectateurs découvrent la trajectoire d'un homme riche, puissant, prêt à tout et même à jouer avec la vérité pour satisfaire sa réussite et ses désirs. Un homme agissant parfois comme héros au service des plus faibles ou se comportant comme le pire des tyrans. Révolution sur le plan de la mise en scène, servie par une narration déconstruite et par l'utilisation astucieuse de plans séquences, Citizen Kane reçoit ce soir-là au Capitan Théâtre un accueil triomphal et une critique unanime. À tout juste 26 ans, il devient le temps d'une soirée l'un des hommes les plus en vue d'Hollywood. Mais la ferveur qui entoure la sortie du film Citizen Kane ne dure pas. Dans les jours qui suivent l'avant-première, très rares sont les articles qui lui sont consacrés. Dans la plupart des journaux à grand tirage, Citizen Kane est soit boudé, pire encore, oublié. En coulisses, nombreux sont ceux qui savaient que la sortie de ce film susciterait la colère d'un homme. Cet individu que le tout Hollywood respecte autant qu'il le craint, c'est William Randolph Hearst. À 77 ans, il est le tout-puissant patron d'un empire médiatique réunissant une trentaine de journaux parmi les plus influents de la côte ouest jusqu'à la côte est. « d'accord pour décrire son scénario et dessiner les traits de son personnage fictif de Charles Foster Kane, Orson Welles avait besoin d'un modèle. Le réalisateur s'est alors inspiré librement des frasques politiques, médiatiques et amoureuses de William Hurt. Mis au courant, l'intéressé, sanguin et paranoïaque, a tout fait pour empêcher le tournage du film, comme en témoigne le comédien Pierre Larquet au micro de la RTF. Ce film passe au montage le 23 octobre 1940. Alors commence une sombre histoire. Une certaine Miss Luella Parsons, représentante à Hollywood William Randolph Hearst, mania de la presse américaine, entend d'étranges rumeurs. Elle ordonne une enquête et télégraphie à son patron que la vie de Ken est sa biographie et qu'il y est présenté sous un jour plutôt défavorable. Hearst demande l'interdiction du film. Il se heurte à un refus. Toute la presse Hearst critique avec violence l'œuvre de Welles. Ce dernier jette de l'huile sur le feu en déclarant « Quand j'aurai terminé Citizen Kane, je travaillerai sur une idée de grand film concernant la vie de William Randolph Hearst. » La presse entière de Hearst se déchaîne alors contre Hollywood, la RKO et Orson Welles. Un groupe se forme pour acheter et détruire le négatif ainsi que toutes les copies du film. Le feu se développe encore quelques mois, puis s'apaise. Jeter aux ordures les bobines du film, empêcher l'accès de Welles et son équipe au studio, faire pression sur les banques pour stopper le tournage. Par l'intermédiaire de ses nombreux avocats, William Hurt se livre aux combines et aux stratagèmes les plus pervers, afin que Citizen Kane ne soit jamais tourné, monté ou même projeté dans les salles de cinéma. La haine que voue Hurt à Welles va le conduire à organiser un coup monté pour faire chanter le réalisateur de Citizen Kane. Alors que le tournage du film est sur le point de se terminer, Hurst fait engager une prostituée et un photographe. Il soudoie le personnel d'un hôtel de New York et fait pénétrer les deux individus dans la chambre que doit occuper Welles. But de la manœuvre, photographier les ébats sexuels du cinéaste avec la jeune femme et le menacer de publier ensuite les clichés dans ses journaux s'il s'obstine à projeter le film. Monté à la hâte, le plan machiavélique de Hurt échoue. Le millionnaire et patron de presse fait alors passer le mot à tout Hollywood. Que celui ou celle qui osera parler du film Citizen Kane sache qu'il s'attirera des conséquences désastreuses pour lui et pour son journal. Voilà pourquoi Citizen Kane n'aura sa sortie que très rares critiques et à chaque fois dans les quelques rares journaux à faible tirage qui, bien sûr, n'appartiennent pas au groupe Hearst. Si avec le recul, c'est le contexte, l'entrée en guerre des États-Unis dans le second conflit mondial quelques mois plus tard qui explique en partie l'échec commercial du film, les attaques répétées de William Hearst auront eu un réel impact. Mise au bord de la faillite, la société de production du film se consolera avec l'Oscar du meilleur scénario. Et la postérité rendra hommage à ce chef-d'œuvre du cinéma en le qualifiant, ce qui reste à démontrer, de plus grand film de tous les temps. En tout cas, la haine et la rancœur de William Hurt à l'encontre d'Orson Welles sont tenaces. D'autant qu'en 1941, Hurt reste l'un des hommes les plus puissants des États-Unis d'Amérique. Un homme qui peut se vanter de faire asseoir à sa table l'élite politique dirigeante de Washington, les grands patrons de l'industrie de Detroit et les principales figures littéraires de New York, le tout lors de réceptions somptueuses où se côtoient également stars de cinéma et vedettes des cabarets. Marion Davies, William Randolph Hearst. Vous étiez magnifique sur scène ce soir. Quand vous plaisantez, je n'avais qu'une ligne à dire et je n'y arrivais pas. J'étais nerveuse. Quelqu'un d'aussi charmant que vous ne devrait pas être nerveuse. C'était un plaisir de vous rencontrer. Comté de San Simeon, Californie, été 41. C'est ici, perché au sommet d'une colline à plus de 500 mètres d'altitude, en plein milieu d'une nature sauvage et verdoyante, quelque part à mi-distance entre San Francisco et Los Angeles, que se trouve la luxueuse et splendide résidence de William Hearst. C'est là que l'homme qui se considère lui-même comme le plus puissant du continent organise ses fêtes grandioses. Dans les environs, les habitants surnomment cet endroit la colline enchantée. Ici, mois après mois, apparaissent ou disparaissent, comme par magie, des bâtiments, suivant les humeurs et les goûts de M. Hearst. La nuit, les projecteurs du domaine illuminent le ciel et donnent à l'ensemble l'aspect d'un palais qu'on croirait tout droit évadé d'un film de science-fiction. Et c'est cet endroit d'ailleurs qui inspirera Orson Welles pour imaginer le palais de Xanadu dans Citizen Kane. À la base, l'idée de William Hurt était de moderniser le vieux ranch que lui avait légué son père. Mais de fil en aiguille, le multimillionnaire a vu beaucoup plus grand et il a dépensé sans compter pour en faire une demeure à sa démesure. Une sorte de bizarrerie architecturale gigantesque, mélange des genres antiques, coloniaux et modernes, un lieu qui porte désormais son nom sur la grille d'entrée, le Hurt's Castle, le château Hurt's. En 1941, l'édifice se compose de 4 villas principales d'une superficie habitable équivalente à celle de 10 terrains de football. 165 pièces, 38 chambres à coucher, 61 salles de bain, 41 cheminées, des salons, des bibliothèques à foison, 51 hectares de jardin, le plus grand zoo privé du monde, une piscine de 32 mètres construite en tuiles de verre directement importée d'Italie, reproduction à l'identique d'un bain romain de la période antique. Ici, au château, le millionnaire Hurt reçoit ses amis et ses proches, et il filme ses soirées. Parmi ceux que l'on aperçoit dans les enregistrements, il y a les acteurs Charlie Chaplin, Clark Gable, Cary Grant, le réalisateur Thomas Hinze, l'inventeur du western, ou encore les aviateurs Charles Lindbergh et le cinéaste Howard Hughes. L'argent qui permet à Hurt de vivre dans cet univers dispendieux a deux origines. C'est d'abord le fruit d'un héritage colossal que lui a légué son père, ancien exploitant de mines d'or en Californie, éleveur de bétail. Ensuite, c'est le fruit de la réussite personnelle de Hurt's dans les affaires, et en particulier par la création d'un empire flamboyant de la presse écrite, comme en témoigne l'un de ses biographes, David Nassau. He owned newspapers in Il possédait des journaux, New York, et parmi les plus gros, San Francisco, Chicago, à New York, Los Angeles, Boston, San Francisco, Chicago, Pittsburgh, Boston, dans toutes les grandes villes du pays. Il possédait les magazines les plus influents du monde, incluant Cosmopolitan, qui était le plus important à l'époque, les journaux d'opinion. Il possédait une agence de presse, il possédait des chaînes de radio, il avait son propre système d'information, comme le leader Associated Press. Il avait un service de pub, un syndicat, et il possédait même ses propres studios de cinéma, qui au début du siècle étaient les plus gros producteurs de films. C'est 50 ans plus tôt, en 1887, que William Hurt pose la première pierre de ce qui sera un demi-siècle plus tard un empire. Personne à cette époque n'imagine faire fortune dans la presse. Le choix de Hurt est donc à la fois un mélange d'intuition pour une activité qui en est alors à ses balbutiements, et aussi le pari de se faire un nom dans un secteur qui n'est pas lié à sa famille. L'aventure commence à San Francisco avec The Examiner, une feuille de chou déficitaire que son père avait reçue en échange d'une créance. Jusqu'alors, on y traitait de l'actualité des affaires, des chiffres, des stats, des témoignages, barbants. Le coup de génie de William Hurt, c'est de prendre position face à l'actualité et de la critiquer, éditorialiser en d'autres termes. À la fin du 19e siècle, la Californie et les États de l'Ouest américains vivent une série de crises. Face à un capitalisme sauvage et débridé, au développement de la spéculation, au grand monopole, les tensions sociales sont fortes. La population ne supporte plus d'être exploitée et de vivre sous le joug de ceux qu'on appelle les barons brigands. Hurt l'a compris et il va l'utiliser à son profit. Aussitôt en place, il lança des campagnes tous azimuts contre les chemins de fer, dont il disait que les tickets étaient trop chers, les trajets dangereux et qu'ils étaient les principaux responsables de la spéculation foncière. The Examiner s'en prenait aussi au prix de l'eau, à l'état lamentable des services sanitaires ou à l'inefficacité du service de sauvetage. Le moindre incident, aux besoins grossis, était prétexte à dénoncer l'incurie, la corruption, l'immoralité, la misère. Et quand il n'y en avait pas, Hurt n'hésitait pas à en créer. Un jour, un de ses reporters fit par exemple semblant de se noyer. Un autre, une de ses journalistes, se déguisa en clochard d'alcoolique pour raconter ce qui se passait dans les hospices. Une autre fois encore, The Examiner publia de bout en bout l'histoire d'un petit garçon estropié, fils d'une prostituée tombée dans la déchéance, pour dénoncer les conditions de vie souvent misérables de la population. Sauf qu'ici, toute l'histoire était fausse. Un récit encore une fois inventé pour faire vendre. Avec William Randolph Hearst, le mensonge fait désormais recette. Et c'est le début de la presse à scandale, dite presse jaune comme la couleur de ses feuilles. Et bien que très critiquable, la stratégie de Hearst se révèle payante. En moins d'un an, le tirage de l'Examiner est multiplié par 3 et il commence à faire de l'ombre à son principal concurrent, le Chronicle. Et si les annonceurs menacent parfois de retirer leur publicité lorsque Hearst se lance dans une campagne contre leurs intérêts, en vérité, ils n'ont pas le choix, alors ils restent, tant le journal est lu et diffusé partout en Californie. Alors pour attirer un nouveau public, Hearst tente un pari et ouvre ses colonnes à des écrivains réputés. C'est ainsi qu'on pourra lire dans The Examiner des récits feuilletons en plusieurs épisodes signés Jack London ou encore Mark Twain, excusez du peu. Une idée révolutionnaire, en tout cas pour l'époque. Après une première expérience de 10 ans en Californie, Hearst décide de poursuivre son expérience dans la capitale économique des États-Unis, New York. Pour y parvenir, il rachète un petit quotidien en difficulté, le New York Morning Journal, qu'il fait immédiatement rebaptiser Journal. Face à lui, les géants de la presse de l'époque et le plus grand entrepreneur du secteur, Joseph Pulitzer, et son quotidien, le New York World. Véritable référence dans le monde de la presse, le World, Pulitzer a bâti sa réputation sur le récit des faits divers dit « Sex and Blood »,« Sang et sexe ». Hearst tente d'imiter son principal concurrent et se lance à son tour dans une course aux crimes les plus sanglants. Peine perdue, l'avantage reste dans le camp de Pulitzer, dont le réseau d'informateurs dans la police lui donne une longueur d'avance dans la surenchère de détails façon hémoglobine. Hearst comprend alors qu'il va devoir frapper encore plus fort. En créant une crise, par exemple ? Oui, de grande ampleur de préférence. Sensible, Fabrice Drouel. 4 avril 1898, New York. Un bruit mécanique s'échappe des sous-sols d'un immeuble du quartier des affaires de Wall Street. Là, à 3 mètres sous terre, dans un mélange de fumée et d'huile, d'immenses presses à cylindres rotatifs tournent à plein régime. Sans marquer de temps d'arrêt, les machines avalent de larges rouleaux de papier. Elles le recrachent une fois l'encre noire imprimée. Puis, c'est au tour d'une pileuse, puis enfin d'une découpeuse de transformer le papier imprimé en journal. Un homme de grande taille, visage rectangulaire, nez longiligne, mâchoire imposante, se saisit d'un exemplaire. Engoncé dans un costume qui cache mal son embonpoint, c'est William Hearst. Il lit le titre à la une de l'édition spéciale du jour, War, choix. Comprenez la guerre? Oui, bien sûr. Depuis plusieurs jours, il ne lâche pas l'affaire. L'affrontement qui oppose en mer des Caraïbes l'Espagne à sa colonie de Cuba le passionne. Pour lui, c'est la crise majeure du moment, son journal doit s'en faire l'écho. Favorable dès le départ à une intervention militaire américaine pour mettre un terme au conflit et surtout pour que l'île de Cuba soit sous influence américaine, Hearst utilise son journal comme un formidable porte-voix pour dénoncer les exactions des troupes espagnoles. Viols de femmes, enfants réduits en esclavage, sévices permanents, des récits parfois inventés, extrapolés. Sur place, les envoyés spéciaux de Hearst pointent toujours la responsabilité des Espagnols dans les crimes les plus odieux. Et Hearst justifie dans ses colonnes la nécessité d'une intervention immédiate des États-Unis pour mettre un terme à cette crise. En un an, le journal voit ses ventes multipliées par 7 et son édition dominicale devient la deuxième publication la plus lue à New York, talonnant le New York World de son adversaire Joseph Pulitzer. Un premier succès qui pousse Hearst à aller encore plus loin. Après avoir vendu à l'opinion une crise, pourquoi ne pas vendre une guerre ? À la Maison Blanche, le président américain Cleveland refuse catégoriquement d'engager les soldats d'une Union à Cuba. Conscient qu'il dispose d'un moyen de pression considérable, Hearst envoie alors sur l'île des dizaines de reporters. Parmi eux, le dessinateur de presse Frederick Hamilton. Ce dernier fait parvenir quelques semaines plus tard un télégramme à sa rédaction. Ici, à Cuba, il n'y a aucun trouble. Il n'y aura vraisemblablement pas de guerre. Je souhaite donc rentrer. Ce à quoi William Hearst répond par un autre télégramme laconique. Je ne vous demande pas votre avis, Remington. Je vous demande de rester sur place et de vous tenir prêt. Vous fournissez des images et je fournirai la guerre. Hearst tient parole. À force d'articles, tous plus favorables les uns que les autres à l'entrée en lice des États-Unis dans le conflit, il réussit à faire basculer l'opinion américaine dans le camp interventionniste. Aussi, lorsque se produit la mystérieuse explosion d'un navire de guerre américain en rade de la Havane en avril 1898, le locataire de la Maison Blanche d'alors, William McKinley, se retrouve contraint d'intervenir, pressé d'un côté par les milieux d'affaires qui veulent protéger leurs intérêts à Cuba et poussé de l'autre par tous ses électeurs qui lisent la presse de Hearst et qui réclament de laver l'affront. C'est le début de la guerre hispano-américaine. Un conflit qui va durer un peu plus de 3 mois que Hearst parcourir personnellement sur le terrain. Ses reportages, souvent agrémentés de coups de feu inutiles ou de coups de canon fictifs, feront le bonheur des lecteurs du journal qui dépasse alors en tirage son redoutable concurrent, le New York World. Au World, la question qui taraude Pulitzer, dit-on, c'est la manière dont Hearst parvient à obtenir tout un tas d'informations introuvables ailleurs. Malgré plus de 10 000 morts dans les rangs cubains, la guerre hispano-américaine tourne rapidement à l'avantage des États-Unis. L'histoire retiendra que ce conflit marque le point de départ de l'expansionnisme américain dans les Caraïbes et en Asie, les États-Unis récupérant à l'Espagne, Porto Rico, l'île de Guam et les Philippines. L'histoire ne retient pas, en revanche, que c'est cette même guerre qui a fait de William Hearst le premier entrepreneur de presse des États-Unis, un homme qui a désormais d'autres ambitions, la politique. Qu'est-ce que vous ne me dites pas ? Que voulez-vous dire ? Vous m'avez dit que vous veniez avec une bonne nouvelle. Dites-moi en plus. Je vais me présenter à la présidence. Vous plaisantez ? Je vais gagner. Comment ? Vous et les communistes êtes les seuls à être contre la guerre ? Merci de cette fine analyse politique. Je dois me présenter pour que les choses soient enfin faites et bien faites. En 1903, tout juste 40 ans, Hertz serait déjà président des États-Unis. Lui, Hertz, le fils de millionnaire, désormais millionnaire lui-même, est à la tête du plus important réseau de presse à travers tout le pays. Lui, Hertz, le patriote, le démagogue, le va-t-en-guerre, atteindra-t-il ce qu'il appelle son destin ? Monsieur déteste les minorités, en particulier les Mexicains. D'ailleurs, il ne se cache pas, les désignant comme les gens les plus inutiles et les plus paresseux du monde. Dans ses journaux, il est aussi très fréquent de lire des articles dans lesquels les Mexicains sont associés à des criminels, présentés comme des dégénérés, des voleurs de travail ou des gens violents. Si l'origine de la haine que leur voue Hertz est incertaine, sa postérité en revanche est indiscutable. Les Mexicains ne sont que des fumeurs de marijuana et ils pervertissent la société, lance-t-il en public. Après deux élections victorieuses comme représentant au Congrès, Hertz se lance dans la course à l'investiture du Parti démocrate. Candidat au profil hors norme, self-made man aux moyens financiers quasi illimités, il fait une campagne dite de droite dans un parti de gauche. Il pensait avoir quasi gagné, mais l'investiture lui échappe de peu. À sa place, les démocrates lui choisissent un avocat, Alton Parker, plus consensuel, moins clivant, moins lié surtout au monde de l'argent et moins raciste. Car le problème de Hertz, c'est qu'il dissimule mal une animosité à l'égard de tous les étrangers, comme l'explique le journaliste Ernest Mayer. Monsieur Hertz, dans sa longue et non louable carrière, a enflammé des Américains contre des Espagnols, des Américains contre des Japonais, des Américains contre des Philippins, des Américains contre des Russes, et dans la poursuite de sa campagne incendiaire, a imprimé des mensonges directs, des documents forgés, des histoires truquées d'atrocités, des éditoriaux enflammés, des photographies sensationnelles et autres dispositifs, à chaque fois dans le but d'encourager chez ses lecteurs chauvinisme et bellicisme. Les débuts de la Première Guerre mondiale en 1914 marquent un tournant décisif dans la carrière de William Hertz, ainsi que le premier faux pas de son empire économique. D'abord favorable à un soutien à la France dans le conflit qu'il oppose à l'Allemagne, Hertz fait volte-face et change de camp. Dans ses journaux, il se prononce contre la poursuite des combats et contre l'envoi de soldats américains sur le front. Dans les semaines qui suivent, on découvre qu'en coulisses, le millionnaire a reçu la visite secrète à New York d'un diplomate allemand. Pour la presse française et britannique, Hertz est un traître, ennemi de la nation française, ennemi de la couronne britannique. De son côté, l'opinion publique aux États-Unis soutient très largement l'interventionnisme du président Wilson. Conséquence, les tirages de tout le groupe de presse Hertz sont désastreux. Les ventes de ses journaux chutent, son empire vacille. Lui-même est traité de sale boche de l'intérieur et se retrouve menacé d'être traduit en justice pour trahison. Il lui faudra plusieurs années pour se racheter une image et une crédibilité. En novembre 1924, nouvel épisode, nouveau scandale. Cette fois, un vent de panique souffle sur Hollywood et sur Hertz lui-même. Il est contraint de s'enfermer dans son château de Saint-Siméon pendant plusieurs semaines pour fuir les journalistes parce que, en toile de fond, il y a la mort du réalisateur Tom Hines. Celui qu'on surnommait jusqu'alors le roi du western aurait fait un arrêt cardiaque après une indigestion aiguë alors qu'il fêtait ce jour-là son 43e anniversaire sur le yacht de son ami William Hertz. Une mort soudaine et inexpliquée qui va laisser s'installer de nombreuses rumeurs dans les journaux. Il est notamment question d'une hypothèse beaucoup plus embarrassante pour Hertz. Lors de la soirée très arrosée, il aurait surpris sa maîtresse Marion Davis dans les bras de son ami Charlie Chaplin. Ivre, Hertz aurait alors dégainé son revolver et tiré sur le célèbre cinéaste. Manquant sa cible, le coup aurait fini dans la poitrine de Tom Hines, provoquant sa mort. Alors, meurtre déguisé, bavure ou indigestion aiguë? Les journaux du groupe Hertz vont tout faire pour blanchir et disculper leur patron. Malgré l'absence de preuves à charge, le doute planera longtemps. Octobre 1929, crack à Wall Street, panique sur les marchés. La crise frappe les États-Unis. Peu touché à titre personnel par les conséquences de la chute des indices boursiers, Hertz va se métamorphoser de façon tout à fait surprenante. Lui qui jusqu'ici jouait aux apôtres du libéralisme et de la non-intervention de l'État dans les affaires courantes, prend position contre la politique du président d'alors, Herbert Hoover, un libéral. Sur toutes les radios du groupe Hertz, le millionnaire fait campagne pour un plan de relance des investissements publics massifs, le tout financé par l'emprunt. Comme ici dans ce film court, enregistré pour les actualités cinématographiques. My friend, mes amis, tout ce système de taxes of income taxation a engendré une colère. Into a racket. Le plus tôt, ce système intrusif, despotique, discriminatoire et peut-être même révolutionnaire, ce système de taxation sera abrogé. Le meilleur, ce sera pour l'honnêteté, l'industrie et le retour au calme. Système de pensée politique paradoxal, grâce à un mélange de conservatisme social et d'audace économique, la presse du groupe Hertz ressort de cet épisode avec une plus large audience que par le passé. Et surtout, grâce à une campagne énergique en faveur du New Deal, William Hertz intègre un petit groupe d'entrepreneurs qui va se démener pour faire élire Roosevelt à la Maison-Blanche en 1932. Pendant la décennie qui suit, Hertz la joue d'être le magnifique. Il sait qu'à la Maison-Blanche, le président en personne l'écoute. À 70 ans, il démontre qu'en tant que patron de presse, il reste l'un des hommes les plus influents du pays. Puis vient la Seconde Guerre mondiale. Là encore, la position pacifique de Hertz est ambiguë. On découvrira plus tard sa proximité avec les nazis. Tiens donc. En 1941, lorsque sort le film Citizen Kane, Hertz est un homme puissant mais sur le déclin. Il est toujours à la tête d'un empire gigantesque, mais vacillant. Détenteur surtout d'une dette personnelle pharaonique qui le contraint à placer son groupe sous tutelle. L'affrontement avec Orson Welles pour interdire la sortie de Citizen Kane sera l'un de ses derniers grands combats. Le premier également qu'il va devoir accepter de perdre. William Hertz aura voulu gagner jusqu'à la fin de sa vie, quoi qu'il en coûte et peu importe les moyens. S'il avait accédé à la Maison Blanche, il aurait été le premier mania des médias, le premier entrepreneur sans scrupules à s'installer à la Maison Blanche. Un siècle plus tard, ou presque, c'est un autre qui réussira à sa place, avec un profil similaire, un certain Donald Trump, pour un tour et puis s'en va. That's all. myself a boss man, one gonna treat me right. Working hard in the daytime, but I'll sure rest easy at night, big boss man. Can you hear me when I call? Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire de William Randolph Hearst, car tel est son nom complet, dont nous allons parler avec une personne qui est vraiment une spécialiste, la chercheuse Emily Lost. Bonjour. Bonjour Fabrice Drouel. Docteur en civilisation américaine, vous avez consacré votre thèse à l'ascension et la carrière politique de William Hearst. C'est pour ça que je disais une spécialiste. D'abord, quelle place tient Hearst et son œuvre et ses journaux? Quelle place tient cet univers-là dans l'histoire américaine de la première moitié du XXe siècle? Je crois que ça tient une très grande place. Comme vous l'avez très justement dit dans le récit, Hearst avait développé un réseau de journaux à travers le pays vraiment important dans toutes les villes qui comptaient, dont New York, évidemment, qui était la grande ville à l'époque. Il y avait vraiment un pouvoir d'influence et un nombre de tirages agglomérés vraiment important, et il était lui-même un personnage extrêmement connu, ce qui en rajoutait une couche, si j'ose dire. Donc c'est une place très importante, oui. D'un point de vue éditorial, est-ce que ces journaux étaient marqués politiquement et clairement, ou est-ce que c'était d'abord des journaux de faits divers, d'événements spectaculaires, voire extrapolés, voire changés dans le sens qui fait vendre? Alors, comme vous l'avez dit dans le récit, hein, il y avait évidemment une place très grande laissée au crime, à ce qui était sanglant, également les actus people, des choses dédiées aux femmes. Voilà, il y avait tous ces sujets-là qui devaient intéresser le lectorat, hein, la working class. Voilà, c'était ça le lectorat que visait Hearst. Mais il y avait aussi une très grande place laissée à l'éditorial. Et cet éditorial, il était signé de la main de William Randolph Hearst, qui développait en effet ses propres positions, ses propres convictions sur les événements au fur et à mesure qu'il faisait l'actualité. Et petit à petit, c'est vrai, en étudiant ses journaux et en particulier ses éditoriaux, on voit se former une opinion politique, des convictions. Il y a des choses qui reviennent sur la longueur, parce que c'est un homme qui a vécu longtemps, qui a travaillé longtemps. Donc on peut vraiment se rendre compte de la genèse, en fait, de ces quelques convictions politiques, puisque ce n'est pas vraiment un homme de conviction à part entière. Alors justement, on l'imaginait plus, je vois qu'il s'est engagé dans le Parti démocrate, on l'imaginait plus dans le Parti républicain. À quoi tient ce paradoxe ? Alors je ne sais pas si c'est un paradoxe, il faut aussi se remettre dans le contexte. Hein. Les partis politiques américains, même si ce sont toujours les mêmes, ont beaucoup évolué hein, oui, depuis cette époque-là. Donc il y a des choses aujourd'hui qui nous paraissent très républicaines et qui en fait pouvaient tout à fait être démocrates à l'époque. En effet, il n'y a jamais eu de doute du côté de Hearst, il s'est engagé... directement aux côtés des démocrates jusqu'à chercher l'investiture pour la présidentielle, comme vous l'avez raconté. Donc pour moi, c'est pas vraiment un paradoxe. Disons que dans l'univers, l'écosystème politique de l'époque, c'était assez raccord, notamment sur sa défense des syndicats. Ça, c'est quelque chose qu'on sait moins, et aussi sur la façon qu'il avait de critiquer très violemment tout ce qui était trust, baron brigand, incurie effectivement de l'administration. Voilà, il y avait quelques combats comme ça qui devaient résonner davantage, à mon avis, avec les démocrates. Absolument. Et est-ce qu'on pourrait faire un parallèle entre avec Berlusconi donc en Italie, a un empire de presse, Finivest en l'occurrence, et c'est un marchepied pour la politique. Est-ce qu'il y a ce genre de parallèle, même si comparaison n'est pas raison, je sais, surtout en histoire et même en géographie, puisqu'on est d'un côté en Europe et de l'autre aux States. C'est effectivement difficile de comparer, mais enfin, ce qui est évident, c'est que ça donne la presse et a fortiori quand on a du succès et qu'on est lu, vous donne un lectorat, vous donne une oreille attentive, vous permet de développer un certain nombre d'idées et d'avoir également une, comment dirais-je, des vraies opinions. Enfin, je veux dire, il y a vraiment la presse, n'hésitez pas à prendre parti sur tout un tas de choses. Et ça, voilà, ça permet quand même de faire résonner avec un éventuel futur électorat. Hearst disait à peu près dans ces termes-là que pour lui, un journal était un bulletin de vote. Ah oui. Donc lui-même faisait le parallèle complet. Il disait l'opinion publique, c'est moi. Voilà. Donc pour lui, il y avait pas de difficulté à passer d'un univers à l'autre a priori. Pour lui, c'était le même. On était dans la même sphère en réalité. Pour nourrir votre thèse, vous avez donc étudié lu les journaux américains de Hearst, notamment, j'imagine, et surtout. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une presse de qualité au bout du compte? Alors je sais, ça n'est qu'un jugement, mais à vos yeux, est-ce que c'est une presse de qualité, une presse qu'on aurait aimé lire, nous, ou en France? Quel est votre regard? C'est une presse très distrayante, c'est une presse très riche. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est l'importance accordée aux illustrations, à la qualité des illustrations, avec cette idée que tout le monde ne savait pas forcément lire à la perfection et que c'était peut-être barbant de lire des articles. Parce qu'il faut le dire qu'à une époque, comme vous l'avez dit également dans le récit, il pouvait y avoir des journaux un peu barbants. Hearst a énormément développé le côté visuel, graphique de ces formats-là. Donc voilà, c'est quelque chose de distrayant. Il y a un peu de tout. Tout n'est pas égal non plus. Il y avait un mélange en effet assez curieux pour nous de faits divers et de morceaux écrits par Jack London, ce qui en soi paraît plutôt étrange, mais qualité, bon, selon nos critères à nous, peut-être pas, certainement pas la rigueur journalistique qu'on peut attendre et qu'on est en droit d'attendre. En revanche, quelque chose de distrayant et de fait vraiment avec une maîtrise pour les illustrateurs, par exemple. Hein, c'était les plus talentueux qui travaillaient pour lui et pour Pulitzer. Là, on est frappé quand on regarde les archives, en effet, par ça. On va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Marc Miller qui chante, et c'est de circonstance, Donald Trump. Hey. Hey yo, Sap, what's good, bro? This man's kinda high out here. Hey yo, the flyest motherfucker in the room, yeah, you know it's me. Bitches hating on him cause he started out here locally. Hopefully, I'll be at the top soon. For now, I'm at my house, on the couch, watching cartoons. You know how much you love it when you get it in abundance. Give a fuck about a budget when you always be the subject of discussion. But it's nothing when you stop and just say fuck it cause you walking out in public and you hear him talking rubbish. I just wanna ride through the city in a Cutlass. Find a big butt, bitch, somewhere get my nuts kissed. That's the way it goes when you party just like I do. Bitches on my dick that used to brush me off in high school. Take over the world when I'm on my Donald Trump shit. Look at all this money, ain't that some shit? Take over the world when I'm on my Donald Trump shit. Look at all this money, ain't that some shit? People take over the world while these haters getting mad. That's why all my bitches bad. They see this crazy life I have in A&R. We gon' win, you can take the lose or draw. What I'm in, got these hoes who used to play me in they bras. We gon' take over the world while these haters getting mad. Take over the world while these haters get mad. That's why all my bitches bad. shit. I kill my handy, break the bottle for the hell of it. Tell a bitch that she better bring her friends. And if she want an autograph, she better bring a pen. Yeah, the party never end, this life is what I recommend. And if you got a hope it for me, then she better be a 10. I ain't picky, but these girls be acting tricky when the situation's sticky and the liquor got them silly. But I take over the world when I'm on my Donald Trump shit. Look at all this money, ain't that some shit? We gon' take over the world while these haters getting mad. That's why all my bitches bad, they see this crazy life I have in A&R. We gon' win, you can take the lose or draw, but I'm in. Got these hoes who used to play me in they bras. We gon' take over the world while these haters getting mad. Emily Lost, si nous jouions quelques instants aux comparaisons entre Hertz et Trump, ces résonances. D'abord, ce sont deux hommes qui aiment l'argent, qui ne s'en cachent pas d'une façon assez vulgaire d'ailleurs, et qui sont très démonstratifs de leur richesse. Je pense à la tour Trump, mais je pense concernant à Hertz, à sa maison, son château. Vous l'avez vu, non ? Oui, absolument. Alors dites-moi un peu. Ça se visite comme un parc d'animation, mais c'est une demeure absolument incroyable. Vous avez raison, tous les deux ont un rapport à l'argent qui peut tout à fait être rapproché. Ils ont hérité d'une grosse fortune. La petite différence que j'indiquerai immédiatement, c'est que Hearst, lui, a changé complètement de business, si j'ose dire, par rapport à son père, et a fait ses armes dans tout à fait autre chose d'ailleurs. Ce qui n'est pas le cas de Trump. Mais en tout cas, en effet, le Hearst Castle qui se trouve en Californie, entre San Francisco et Los Angeles, est une incroyable demeure. Hein. Vous avez donné quelques chiffres qui donnent le tournis. C'est une maison extrêmement curieuse, un mélange de plein de styles. Hearst était fasciné par l'art européen, certainement parce qu'il avait passé beaucoup de son enfance à faire des voyages en Europe avec sa mère. On a des pièces entières reconstituées de choses qu'on ne verrait qu'en Europe, hein, en Italie, en Espagne. Il faisait venir les choses de loin, il les faisait remonter sur place à l'identique, comme vous l'avez dit pour la piscine, je crois. Oui. Il avait fait la même chose avec un château en Espagne, pour des sommes absolument pharaoniques. Hein. Voilà, donc en effet, là, il y a quelque chose du clinquant, du démonstratif qui peut sembler similaire à Trump. Hertz était-il un intellectuel ? Non. Bien, non. Sympa. Encore une comparaison, une ressemblance avec Trump. Absolument. La pensée xénophobe, quand même, là encore, contre les Mexicains de la part de Hertz. Bon, je rappelle que Trump a, lui, créé un mur avec les Mexicains. Donc on n'est pas loin non plus. Encore une similitude ? Oui, on peut le penser. Ce qui est différent, bon, évidemment, c'est le contexte. Hein, mais je dirais que ce qui est la même chose dans cette xénophobie, puisque en tout cas pour Hearst, on peut parler de xénophobie. Hein, il méprisait Pulitzer notamment parce qu'il était de confession juive. Il était également très anti-chinois dans ses premières années en Californie. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, déjà la parole était beaucoup plus libérée hein, sur ces sujets-là, ce qui évidemment n'est pas une excuse. Mais voilà, il y a aussi un contexte à prendre en compte qui est un peu différent. Mais je pense qu'à la fois pour Trump et à la fois pour Hearst, et ça n'engage que moi, il y a une forme d'opportunisme, tout simplement, à ériger l'étranger comme la source du problème. Oui, il y a une certaine absence de morale également qui les réunit, ces deux-là. Oui, ou en tout cas une morale qui n'était pas celle des autres. Pour ce qui concerne Hearst, c'est vrai qu'il avait une forme d'excentricité dans son... Je ne pourrais pas en dire autant sur Trump que je connais moins. Mais chez Hearst, il y avait vraiment un caractère excentrique très étrange pour tout le monde. Cet homme-là était différent des autres. Alors après, la morale... Je ne sais pas. C'est vrai que dans les années 30, hein, vous en avez parlé de rapprochement pour le moins fâcheux avec des dirigeants totalitaires. Bon, évidemment, ça, c'est difficile de dire autre chose, mais je crois qu'il a été aussi beaucoup jugé sur une personnalité, un peu différente des autres, vraiment. Alors, il y a une histoire intéressante également, c'est qu'il a un contemporain qui s'appelle, il y a un rival, Joseph Pulitzer, qui est plus connu que lui, peut-être parce qu'il y a un prix qui porte son nom. Hein. Mais là, on a une rivalité intéressante entre le directeur du prestigieux New York World et puis Hertz. Que se passe-t-il entre les deux hommes, au bout du compte ? Il se passe beaucoup de choses, et je dois dire que c'est vraiment ce qu'il y a de très amusant dans cette période, c'est que ces deux hommes-là se détestaient franchement, se le disaient. Hein, les correspondances personnelles de l'un et de l'autre ne font aucun doute sur la question. La guerre était vraiment lancée entre ces deux journaux. Ils se faisaient des coups bas. Hein, pour vous donner un exemple, Hearst, en arrivant à New York, rachète donc un titre aux frères de Pulitzer. Et rachète les journalistes de Pulitzer. Voilà, donc comme ça, c'était clair, on savait tout de suite ce qui allait se passer. Mais bon, au-delà de l'anecdote, ce qui est intéressant, c'est que il y a eu une émulation dans cette compétition. Donc ça les a amenés aussi à faire des choses incroyables, des suppléments incroyablement riches, à s'équiper avec les machines les plus modernes pour produire les choses les plus colorées, des choses qui étaient pour l'époque vraiment inédites. Hein. Donc, pour voir le positif, cette guerre entre ces deux hommes-là a vraiment donné des résultats, a vraiment donné des fruits très intéressants au niveau de la presse. Quelle était la nature des journaux, de la presse de Pulitzer ? Plus politique, moins fédive ? Ah, franchement, non. Moi, c'est ça qui me sidère un petit peu. Alors, je n'ai évidemment rien contre Pulitzer, hein, mais j'ai comparé énormément les journaux de l'époque, à la fois donc le quotidien de Hearst et puis celui de Pulitzer, et on avait des choses très très similaires. Pulitzer également faisait dans le fait divers, et il se battait sur les mêmes faits divers, comme vous l'avez dit dans le récit, pour arriver le premier et avoir les infos les plus croustillantes. Donc voilà, la respectabilité qu'a gagnée Pulitzer, je ne la conteste pas. Simplement, c'est vrai que quand on regarde les journaux de l'époque, la différence n'est pas évidente. Alors, vous êtes docteur en civilisation américaine, vous avez donc consacré votre thèse à l'ascension et la carrière de William Hertz. Pourquoi lui, finalement ? Parce que si on veut se pencher sur la civilisation américaine, il n'y a que l'embarras du choix. Hein. Qu'est-ce qui vous a emmené vers ce choix-là ? C'est justement le fait que, déjà qu'il n'y ait pas beaucoup de choses écrites sur lui, en France en tout cas, hein, aux États-Unis, il y a des dizaines et des dizaines de biographies, il est beaucoup plus connu évidemment, mais ce qui m'intéressait c'était ce mystère, c'est un peu cette question qu'on se pose là tous les deux, c'est est-ce que finalement c'est un idiot ou est-ce qu'il y a quelque chose quand même ? Je dois dire que c'est un peu quelque chose de cet ordre-là. Voilà, on s'est posé pendant 4 ans. Merci infiniment, Emily Lost. Merci pour vos éclairages si précis. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'Empire William Hertz. C'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de franceinter.fr pour toute information complémentaire à notre émission. Et si le cœur vous en dit, vos commentaire. Louis Aubert était à la technique aujourd'hui. Je le remercie puisque nous sommes vendredi. Je remercie toute l'équipe qui a préparé les affaires sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire Bettina Lioré, Adrien Cara, attaché de production Rebecca de Nantes, coordination Christophe Barrère, lecture Philippe Pierrard, Cécile Ripocayol, réalisation Marion Lelecoy, Nguyen et Benjamin Riquet.